la vie, en fait, on est en train de créer quelque chose. Complètement, t'es dans la vie, t'as toute la vie, ouais, toute la vie pour présenter. C'est pas qu'elle va faire marcher tout seul. Mais je pense pas qu'il faut prendre.